pouvez me dire à quel âge vous avez eu votre premier portable? À quel âge? En 6e. Moi, je l'ai eu... 5e. Non, début 4e. Si, début 4e. 5e. Fin 5e, alors. Début 5e. Début 5e. Franchement, début 5e. Et quand on dit ça à certaines personnes, bah, ils disent que c'est trop tard. Alors ouais, c'est bon, parce que ça avait l'air trop tôt. Enfin, non, les personnes qu'on connaît, ils avaient tous leur téléphone à partir de la 6e. Il y en avait, ils avaient même leur téléphone à partir du CE1, CE2. Ouais, c'est vrai, ouais, alors que nous, tout le monde avait le téléphone. Nous, CE1, CE2, on sortait 6e, on sortait encore, on n'avait pas de téléphone, pas de réseau. On les a vraiment créés. Moi, je sais que TikTok, ça fait. Non, c'était TikTok, c'est l'année dernière, cette année. Hein. TikTok, c'était l'année dernière, ouais, et cette année, et moi j'avais, avant TikTok, c'était Musical.ly, ça s'appelait, moi Musical.ly, j'avais pas l'application, j'avais l'application, j'avais pas de compte, mais là TikTok, j'ai créé un compte, ça va faire peut-être 2 ans bientôt, mais c'est récent. Moi en fait, c'est parce que je prenais tout le temps le téléphone de ma mère, du coup, elle a décidé de m'en acheter un. C'était tout le temps. Ouais. Et surtout, parce qu'on sort, ils ont besoin de savoir où on est. Ouais, des fois, pour les clés de la maison, par exemple, on les a pas. On appelle nos parents. Du coup, même nos frères et sœurs, quand on veut les appeler, oui, t'es où et tout, c'est utile. Mais ouais, il y en a qui disent que c'est beaucoup trop tard d'avoir un téléphone en début 5e. Non, que nous, on trouve que c'est la tranche d'âge en vrai. En vrai, c'est la tranche d'âge pour avoir un téléphone. Nous, ça nous a pas dérangé, ça nous a pas gâché ou quoi. Et moi, même maintenant, je me dis ça aurait été mieux si on n'aurait pas eu de téléphone, je crois. Oui, des fois, ça, je me dis ça. Ça aurait évité beaucoup de trucs. Ouais, ouais. On va profiter parce qu'on ne pourra pas faire la même chose maintenant que plus tard. Parce que plus tard, on sera grand. Puis là, on est petit, donc on fait des trucs qu'on ne pourra pas faire plus tard. Quoi. Qu'est-ce que tu ne pourras pas faire plus tard? Moi, je pense que j'ai un exemple. Par exemple, plus tard, peut-être qu'il y en a une qui aura ses études à gérer à l'université. Peut-être qu'on va déménager, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On va déjà rien que l'année prochaine, on passe au lycée. Certaines, on est dans des lycées différents l'année prochaine, donc rien que là, ça va casser un peu. Et on ne pourra plus faire, par exemple, il y a beaucoup d'activités que là, on fait, qu'on ne pourra plus faire quand on sera grand. Du coup, c'est pour ça qu'on essaie de profiter au maximum maintenant, de pas trop se prendre la tête pour tout et n'importe quoi et de profiter. Quoi. Et le téléphone, on en parle? Ouais, mais c'est la façon de grandir. Genre, par exemple, à l'époque, ils jouaient avec un ballon. Nous, maintenant, on joue avec notre téléphone. Genre, et quand on voit les petits, genre après nous, par exemple, on va dire les 2015, je sais pas. Par exemple, moi, je vois mes petits cousins, ils jouent avec le téléphone. Alors que. Genre, je sais pas, moi à leur âge, je jouais pas avec le téléphone, je jouais au ballon, je jouais au toboggan. Moi, ça me choque en fait. Genre, en fait, ça paraît normal. On dirait que c'est normal. Et les parents, ça les choque aussi. Et moi, ça me choque. C'est vrai. Nous, on venait sonner chez nous en disant, on se rejoint au tourniquet. On sortait d'école en disant, on se rejoint au tourniquet. Et après, on savait que quand on rentrait chez nous, genre quand il faisait nuit, on n'avait pas d'heure. Quand les lampadaires s'allumaient, on devait rentrer parce qu'on n'avait pas de téléphone. Alors d'aujourd'hui, ils vont dire quoi? Ils ont des iPhone 12, ils ont 5 ans, ils connaissent toutes les musiques du moment. Allez, encore à la rigueur, ça va. Mais c'est, ils sont scotchés à leur téléphone. En fait, ils goûtent pas à la vie, en fait. Alors que nous, franchement, je pense qu'on était la dernière génération à vivre des choses comme ça. À jouer au ballon, il n'y avait pas de... C'est comme ça que ça explique leur maturité, ouais, je pense. Parce que en fait, ils apprennent rien. Voilà. Nous, on a profité de ce moment. Franchement, c'était trop bien. Si je pouvais revenir à cette époque, je serais revenue. Hein. Je vois comme ça, on sonnait. Et si on rentrait chez nous pour voir, on ne pouvait plus ressortir. Franchement, c'était bien. Genre, on appréciait. Maintenant, c'est quoi? Ils sont en CM2. Ils disent, ouais, je vais parler à mon mec sur mon téléphone. Mais t'as quel âge? Ouais, on partageait tout, nous. Ouais. On faisait des goûters LG avec 20. On faisait 2 euros. On avait 2 euros chacun. On allait faire des grands goûters. On mangeait et tout. Là, aujourd'hui, c'est maman passe-moi 10 euros. Moi, 10 euros? Déjà, j'étais. Le monde entier. Vraiment? On a tous les jours pendant un mois. Non, franchement, on n'a pas la. Et si un jour vous avez des enfants? À 6 ans, ils iront au boulot et ils auront des enfants? Moi, je ferai en sorte qu'ils grandissent comme j'ai grandi. Moi aussi. Mais après. Aussi, c'est la France, c'est où on vit en fait. C'est notre société, elle est comme ça. Donc on peut rien y faire en vrai de vrai. Donc franchement, moi j'essaierai. Parce que même si tu interdis tes enfants à l'école, ils vont voir ça. Ils vont dire, ouais, mais maman, pourquoi moi j'ai pas ça alors que lui il a un téléphone? Et t'as beau l'expliquer, il va dire, oui, mais il a un téléphone lui. Et pourquoi moi j'ai pas de téléphone? Et après tu vas te dire, mon fils il fait de la peine, moi aussi il fait de la peine. Du coup, je dois lui acheter un téléphone. En fait, c'est dans la société dans laquelle on vit. Mais vous qui avez quand même mis des téléphones assez jeunes par rapport par exemple à notre génération, est-ce Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez dire, des conseils que vous pourriez donner aux petits? Bah, allez jouer. Allez jouer parce que, par exemple, on a notre âge, on peut plus aller jouer. Genre là, on va faire du toboggan. Sinon, on a des problèmes mentaux. Alors que quand t'es petit, t'as pas de problème, t'es bien dans ta vie. Logiquement, normalement, t'es bien. Et tu penses qu'à jouer et à être heureux. Mais tu peux être heureux, mais d'autres manières qu'avec un téléphone. Quand tu partages à manger, nous on était heureux quand on partage à manger. Quand t'as de nouveaux amis, par exemple, il y avait quelqu'un qui venait au parc, on va pas dire qu'on était méchantes. On était méchantes un peu. Mais après, genre, quand on apprenait à connaître la personne et tout, on était copines avec. Et genre, en fait, c'est partagé. En fait, non, mais les téléphones jeunes, en fait, ça peut gâcher la vie. Parce qu'il y en a, ils peuvent se faire harceler alors qu'ils ont 5 ans. Franchement, ils ont un téléphone. Franchement, un téléphone tôt, les réseaux tôt, c'est très compliqué. Parce que franchement, il y a beaucoup de... Ah, en ce moment, ça fait peur parce qu'il y a beaucoup d'harcèlement. Des gens qui se font passer pour des pédophiles qui se font passer pour des gens. Et après, les enfants, en plus, tu leur donnes un bonbon. Tu leur dis, je vais te donner des bonbons, ils vont en courant. Non, franchement, les téléphones, c'est dangereux. Franchement, ouais, c'est vrai, ça les a abonnés, c'est pas fructueux. Génération. Bah, moi je trouve que la génération d'aujourd'hui, enfin, ça a changé un peu. Parce que franchement, quand il y avait nos frères et sœurs, c'était encore nos grands frères et sœurs qui étaient au collège ou quoi, bah c'était plus du tout comme maintenant. Enfin, quand ils nous racontent des anecdotes et tout, ils nous disaient que des trucs aujourd'hui qu'ils voient, par exemple, avant, je sais pas, vraiment, c'est des petits trucs. En fait, les enfants, les petits, ils veulent trop grandir avant. Ouais. Non, mais vraiment, enfin. Maintenant, on peut trouver des tout petits, mais avec les portables et tout. Avant, il n'y avait pas ça. Enfin, avant, on se souciait pas trop de ça. Alors que maintenant, si. Des personnes, elles veulent grandir avant. Ouais. Moi, des fois, je vois que ce soit rien que des 6e ou des 5e. Il n'y a que 2 ans de différence. Non, pas des 6e ou des 5e. Des fois, moi, j'en vois, je me dis. Même nous qui sommes en 3e, nous qui sommes en 3e, elles font plus genre on va dire féminines. Et non, même que, enfin, plus grandes. Ouais, plus grandes. Elles paraissent, on dirait, elles ont 17-18 ans. Elles sont à la limite 12-14 ans comme nous, à peu près. Elles ont peut-être redoublé. Des fois, on pose des questions. On dit, t'as pas redoublé? Non, j'ai pas redoublé. Je trouve, nous, ça nous choque. Bah, je pense que c'est surtout elles veulent se donner un air de grande fille alors que c'est pas le truc à faire pour leur âge. Moi, des fois, genre, j'aimerais bien retourner en arrière et revenir en enfant, c'était bien. Ouais, c'est vrai, c'était bien, mais il y a des trucs qui étaient beaucoup mieux que maintenant. Mais par exemple, il y a des filles, elles vont être en 6e, elles vont vraiment mettre une tonne de maquillage, s'habiller vraiment comme des grandes et venir avec une grande assurance et tout. Genre plein de trucs comme ça. Ça enlève le charme de personne. Et c'est quoi le risque de vouloir grandir trop vite? C'est qu'à la fin, on grandit trop vite et à la fin, on regrettera sûrement. Et de s'opposer, en fait, on va tout de suite vouloir plaire et se dire qu'est-ce que ça fait d'être grande. Alors qu'en fait, regarder et après regretter, enfin faire des trucs et regretter à la fin. C'est ça, surtout là, on est dans une génération où personnellement, nous, c'est la mentalité de cette ville, on va dire qu'on connaît. On connaît pas vraiment, mais je pense que c'est pareil un peu partout. Mais nous, personnellement, avec la mentalité de cette ville qu'on connaît, elles veulent à tout prix plaire aux garçons, se faire remarquer. Ouais. Après, on peut, c'est vrai qu'on va pas s'empêcher de se faire belle, de se maquiller, de se coiffer, de s'habiller, mais il y en a qui le font pas pour elles. Genre, on va le faire, ça sera pour nous. Bah, il y en a, non, elles le font pas pour elles, elles le font pour plaire ou pour se montrer. En fait, c'est là où ça commence les problèmes un peu, enfin, le harcèlement et tout, enfin, avec les garçons. C'est un peu de là que ça commence, quoi. Bah oui, parce que, par exemple, elles vont beaucoup se maquiller et tout pour plaire aux garçons, et à la fin, eux, c'est facile pour eux de faire une réputation à une fille, mais c'est pas facile d'en faire un garçon. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Les garçons, ils ont plus de paroles. Mais oui, en fait, on va toujours mettre la faute sur la fille. Les garçons, ouais. Et mettre la faute sur les filles. Ça veut dire eux, ils s'en foutent de ce qu'ils font, alors que nous, on fait pas ça, parce que sinon, ils vont dire ça sur nous. En fait, les choses que nous, ça va être mal, eux, c'est une fierté un peu pour eux, enfin, de faire des choses. C'est devenu fierté devant leurs potes. Rien que fumer, par exemple. Ouais. Maintenant, tout le monde dit, ouais, les filles qui fument, c'est pas bien. Enfin, c'est moche et tout, mais les garçons, c'est beau, c'est devenu la mode. Surtout là, en ce moment, il y a une mode, c'est les puffs. Ouais. Les puffs, c'est des cigarettes électroniques jetables. Et c'est grave, en ce moment-là, grâce à TikTok, en fait. C'est tout sur TikTok quand même. TikTok, c'est ça, c'est ça. Flèche chat. en fait, tout ce qu'elle va faire, la fille, bah, du côté du garçon, bah, ça sera. Il y a certaines choses, ça les attire en fait de voir ça. Et les garçons, bah, pour eux, ils vont se monter. Ils vont se monter pour eux, ils vont aller se promener en ville, par exemple, normal, avec ça, la main. Ou même, ils vont prendre des photos, les poster sur les réseaux. Et faire une fille, c'est mal fait. Une fille, je dirais. Il y a des choses que les garçons peuvent pas faire et que les filles peuvent faire. Oui. Enfin maintenant il y a des gens comme ça, mais le maquillage pour les garçons. Ouais, ça, par exemple ils peuvent pas le faire. Ouais, enfin, pour les gens, enfin oui. Après ouais, il y a aussi les habits aussi, comment on va s'habiller la personne. Oui, en fait la génération maintenant elle critique beaucoup. Ouais. Vraiment beaucoup. Par exemple, voilà. Même tu mets juste un jean, enfin t'es un garçon, tu mets un jean, des fois ça va te. Ça va vraiment te. C'est un jean quoi. Alors que par exemple, une fille aussi qui s'habille trop masculin, là aussi. Même une fille qui va s'habiller trop féminine, enfin mettre des petits hauts, des pantalons vraiment serrés, des jupes. Après ça. En fait, quand un garçon par exemple il va s'habiller classe, franchement, des fois c'est beau de voir quelqu'un bien s'habiller. Oui, ils sont plus sur le style de survêt, basket et tous les jours comme ça. Si un garçon il va s'habiller classe, malgré qu'il n'y ait pas d'événement ou quoi, vraiment classe, parce qu'il a envie de s'habiller comme ça, bah ils vont dire, ah ouais, lui, il fait trop le mec, il veut prouver je sais pas quoi à qui. Et même pour les garçons, par exemple, qui vont s'habiller en jupe, en vrai, peut-être que t'es pas pour ça, mais t'as pas besoin de le montrer. Ouais. Et peut-être tu peux le garder pour toi, après, même si t'es pas pour, mais tu peux pas aller l'insulter parce qu'il porte du maquillage et tout, mais tu le gardes pour toi, même si t'aimes pas. Ouais. Mais après, je pense aussi que c'est notre génération, elle est comme ça. C'est pas. Les générations d'avant, elles n'étaient pas pareilles. Ah ouais. Ça a changé. Voilà. Les mentalités, elles ont changé. Après, je pense qu'on a plus de confort. Enfin, c'est pas la même vie, quoi. C'est pas la même vie que nos générations précédentes. Tu parles par exemple par rapport à tes parents ? Ouais. Les parents, les grands-parents, ils n'ont pas vécu la même chose. Mes grands-parents, ils ont vécu la guerre. Nos parents, enfin, à l'école, c'était pas du tout. Quand ils nous racontent l'école, c'était pas du tout pareil que maintenant, qu'aujourd'hui. En fait, nous, c'est une forme de laxisme. Enfin, c'est pas totalement laxisme, hein, mais c'est. Il y a moins de. En fait, je sais pas, les parents d'avant, des fois, ils faisaient taper à l'école sur les doigts, alors que nous, c'est interdit, ça. C'est contrôle de discipline, ou t'es viré, ou. Voilà quoi. Oui, c'est vrai, c'est pas le même confort que, franchement, à l'époque. En fait, ils ont vécu plus de choses pour être plus matures, en fait. Parce que nous, on est là, on se plaint de cette vie-là, mais on est dans le luxe, en vrai. Parce qu'il y en a, ils sont pas dans le luxe. À l'époque de nos grands-parents, nos parents, c'était pas dans le luxe, quoi. C'est à partir de nous, en fait, qu'ils ont été un petit peu dans le luxe. Ils ont galéré. Et alors que nous, on se plaint, alors qu'on n'a pas galéré, on est venu au monde, on avait un toit. On a à manger quand on veut, on a des habits, on vit bien, on a de l'argent. Bon, on n'est pas riche, mais on se porte bien, quoi. On n'est pas dans la pauvreté. Et du coup, bah, en fait, ouais, du coup, bah, c'est pour ça, peut-être, ça fait moins mûrir, je sais pas du tout. Mais les épreuves, ça fait beaucoup mûrir. Donc, je pense, à l'époque, vu qu'ils avaient beaucoup d'épreuves et tout, c'est que je pense que c'est pour ça qu'ils étaient plus mûrs, parce que notre génération, c'est n'importe quoi. On va pas se mentir, on est plus bêtes qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, ils apprenaient plus de choses. Mais nous, on est quoi? On est scotchés à nos téléphones, on n'est pas là à lire des livres, à aller visiter des choses, alors qu'à l'époque, si, parce qu'ils savaient pas tout ça. Et franchement, je pense que c'est pas la même génération.